طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, nous voici في القراءة في هذه السورة سورة الملك. On continue donc la lecture de cette sourate et la méditation sur celle-ci. On était arrivé à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit أَمَّنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Est-ce que celui qui marche face contre terre مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ. Et donc il marche face contre terre, il ne voit pas ce qui se passe devant lui. Lorsque tu marches, on te dit fais attention, regarde devant toi. Parfois les enfants, on leur dit regarde devant toi. Et donc, est-ce que celui qui marche face contre terre est plus guidé, est mieux guidé? Ou alors celui qui marche droit sur une voie de rectitude? Fi hadhihi al-aya يبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المشركين لا يبصرون. Allah تبارك وتعالى nous montre que ces polythéistes, ils ne voient pas. Ils ne voient pas clair. Et donc, ils ne peuvent pas être bien guidés. Comment pouvez-vous être bien guidés lorsque vous ne connaissez pas la différence entre le polythéisme et le monothéisme? Lorsque vous ne connaissez pas qui est votre créateur, comment pouvez-vous être mieux guidé que celui qui est sur une voie de rectitude et qui se tient droit, qui voit clairement? ثم يقول ربنا تبارك وتعالى. Ensuite notre Seigneur il dit قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dit, il est celui qui vous a créé. Il est celui qui vous a créé, et donc c'est lui qui mérite que vous l'adorez, pas d'autre. Pas d'autre. Il y a quelques minutes, je débattais sur ce sujet avec mon oncle. Je lui disais, oh mon oncle, qui nous a créé? Regarde autour de toi. Il me dit, mais Kevin, tu ne médites pas suffisamment sur la nature. Tu recherches trop les preuves. Parce que je débattais avec lui sur des sujets bibliques. Il me dit, tu cherches trop des preuves, des problèmes à droite à gauche. Médite sur la nature. Je lui disais, justement, cette nature, elle nous pousse à adorer celui qui a créé cette nature. Elle nous pousse à l'adorer lui. Qui est-ce qui a créé ces plantes? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que c'est l'Éternel? Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Kulhu alladhi ansha'akum, dit c'est lui qui vous a créé. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Et c'est celui qui vous a accordé l'ouïe, la vue, ainsi que vos cœurs avec lesquels vous pouvez raisonner. Qalilan ma tashkurun. Mais vous êtes peu à être reconnaissant. فيبين تبارك وتعالى أمرا عظيما وهو أنه هو المستحق للعبادة لأنه هو الذي خلقنا. Allah تبارك وتعالى nous montre un point important, c'est que c'est lui seul qui mérite d'être adoré parce que c'est lui qui nous a créé. C'est lui qui nous a créé تبارك وتعالى. Et ensuite, il nous montre qu'il ne nous a pas laissé comme cela. لم يتركنا هكذا بل جعلنا ما نستعين به على فهم الحق. Mais il nous a accordé ce que nous pouvons utiliser pour nous aider à comprendre la vérité. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Et il c'est celui qui vous a accordé l'ouïe pour entendre la vérité. Il faut écouter. Lorsque des personnes viennent à vous avec la vérité, ils viennent vous voir avec « Qala Allah »,« Qala Rasulullah », il faut écouter, tendre l'oreille. Il est celui qui nous a accordé la vue afin qu'on puisse voir toutes les preuves qu'il y a, cette nature qu'il a créée, tabaraka wa ta'ala. Nous voyons cette nature et nous méditons. Et il nous a accordé nos cœurs qui nous permettent de raisonner et de comprendre toutes ces preuves et de l'adorer lui seul. Cependant, vous êtes peu à remercier. Fekolilun minan nas man yastakhdimu hadhihi an'am fi mardatillah. Peu de personnes vont utiliser ces bienfaits qu'Allah leur a accordés, la vue, l'ouïe, la raison. Peu de personnes vont utiliser cela dans la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Peu de personnes vont utiliser cela dans le fait de comprendre qu'on doit adorer Allah seul. Et c'est là qu'on remercie Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Il nous a accordé l'ouïe, la vue, la raison. Nous devons le remercier en utilisant ce qu'il nous a accordé dans le bien. فَمَنْ لَمْ يَسْتَخْدِمْ نِعَمَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْخَيْرِ لَمْ يَشْكُرْهُ بِهَا. Celui qui n'a pas utilisé les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordés, celui qui ne les utilise pas dans le bien, n'aura pas remercié Allah tabaraka wa ta'ala. وَلِهَذَا عَلَيْنَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَنْ نُرَعِيَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Et c'est pour cela que, ô musulmans, nous devons faire attention à ce sujet. إِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَهُ اللَّهِ. Méfie-toi et ne regarde pas ce qu'Allah t'a interdit de regarder. وَلَا تَسْمَعْ إِلَى مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et n'écoute pas ce qu'Allah t'a interdit d'écouter. لَا تَسْمَعْ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ. N'écoute pas les gens de l'innovation et de l'égarement. N'écoute pas cela, car ceci est contraire au remerciement. Allah t'a accordé l'ouïe, il t'a accordé la vue. Utilise ce bienfait qu'Allah t'a accordé dans le bien. Car le fait que tu vas utiliser cela dans l'illicite est contraire au remerciement d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقالت العلماء إن الكفار لكونهم لم يستخدموا هذه النعم يحشرون على الحالة المذكورة في الآية قبلها. Les savants, ils nous disent que les incroyants, à cause du fait qu'ils n'ont pas utilisé les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala pour comprendre la vérité, au jour de la résurrection, ils seront ressuscités de la même façon qui a été citée dans le verset précédent, c'est-à-dire face contre terre. Au jour de la résurrection aussi, ils seront face contre terre, de la même façon que ici-bas, ils sont face contre terre. Ils ne veulent pas voir la vérité. فَالْعُقُوبَةُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. La sanction est du même genre que l'œuvre. Leur œuvre est qu'ils ont refusé de voir la vérité. Leur sanction, au jour de la résurrection, ils seront ressuscités face contre terre. Et ensuite, il dit tabaraka wa ta'ala: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dit, il est celui qui vous a dispersé sur la terre. Et c'est vers lui que vous serez rassemblés au jour de la résurrection. Ta'ammalu ayyuha al-ikhwa, méditez, ô chers frères. Donc, lors du cours précédent, on s'était arrêté à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقًا. Qui est celui qui va vous accorder votre subsistance s'il retient la sienne? Si Allah tabaraka wa ta'ala retient sa subsistance, qui va nous nourrir? Qui va nous accorder la subsistance? Personne en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a montré ici que c'est le seul à accorder la subsistance. Ensuite, concernant les versets qu'on voit aujourd'hui, ذكر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي خلقنا. Allah tabaraka wa ta'ala, dans les versets qu'on voit aujourd'hui, il nous montre que c'est lui qui nous a créés. Donc, en plus de la subsistance, c'est lui qui nous a créés. Qul huwa alladhi ansha'akum. Dis, c'est lui qui vous a créés. Tayyib. Wa yadhkuru tabaraka wa ta'ala annahu huwa alladhi yahshuruna wa ilayna wa ilayhi sanarji'. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré que c'est lui aussi qui nous ressuscite et qui nous rassemble au jour de la résurrection et que c'est vers lui que nous retournerons. Comme il le dit clairement, wa ilayhi tuhsharun, et c'est vers lui que vous retournerez. Et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ayyuha al-ikhwa, هذه الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات هي أوصاف المستحق للعبادة. Ces caractères qu'Allah تبارك وتعالى a cités dans ce verset, ce sont les caractères de celui qui mérite l'adoration. Et c'est pour cela que dans une autre sourate, dans un autre verset, il nous dit tabaraka wa ta'ala amman yabda'u al-khalqa thumma yu'idu. Qui est celui qui commence la création puis la fait, donc qui est celui qui commence la création puis donc la fait revenir? Qui est-ce? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui a commencé la création et c'est lui qui la fait revenir. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et ensuite il nous dit, et qui est celui qui vous accorde votre subsistance depuis le ciel et la terre? Qui est celui qui fait pousser les plantes? Qui est celui qui fait donc tomber la pluie? Qui est celui qui vous accorde votre subsistance depuis le ciel et la terre? Et إِلَهُ مَعَ اللَّهِ. Il y a-t-il une autre divinité en dehors qu'Allah? Est-ce qu'il y a une autre divinité qui nous a créés, qui nous va nous ressusciter et qui nous accorde notre subsistance? Et donc il faut que les incroyants méditent, méditez sur cela. Qui est celui qui vous a créé? Celui, cette divinité que tu adores actuellement, pose-toi la question, est-ce que cette divinité que tu adores, est-ce que c'est elle qui t'a créé? Est-ce que c'est elle qui va te ressusciter? Et est-ce que c'est elle qui t'accorde ta subsistance? Pose-toi cette question. Y a-t-il une autre divinité avec Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dites, ramenez vos preuves si vous êtes véridique. Dites, ramenez vos preuves si vous êtes véridique. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne ce principe. Lorsque tu veux prêcher les gens à l'islam, il est important d'insister sur ces caractères-là, sur ces principes fondamentaux. La création, la subsistance et la résurrection. Car ils ne trouveront aucune preuve dans aucun livre. La efaratun min ilm, ils ne trouveront aucune trace qui montre qu'il y a un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé, qui accorde la subsistance et qui ressuscite les créatures. Demande aux adorateurs de Jésus, est-ce que Jésus c'est lui qui les a créés? Est-ce que c'est lui qui leur accorde la subsistance? Est-ce que c'est lui qui va les ressusciter? Ensuite, il dit tabaraka wa ta'ala, wa yakuluna meta hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Et ils disent, à quand viendra cette promesse si vous êtes véridique? Subhanallah. Ja'alu ma'rifata waqtil mi'ad dalilan ala sidqi an-nabi. Ils ont prétendu que le fait que l'individu connaisse, ou le fait que le prophète connaisse l'heure, la fin des temps, ils ont prétendu que cette connaissance est la preuve qu'il est véridique. Or, personne ne peut connaître à quand sera la résurrection. Et même dans la Bible, il est inscrit que Jésus fut interrogé concernant la résurrection et qu'il a dit qu'il ne savait pas. Et d'ailleurs, les musulmans utilisent cette preuve biblique lorsqu'ils s'adressent aux chrétiens pour leur dire que Jésus n'est pas Dieu. Comment se fait-il que Dieu ne connaisse pas l'heure de la fin des temps? Comment se fait-il que Dieu ne connaisse pas quelque chose? Dieu, il connaît tout. Et donc Jésus n'est pas Dieu. Ici, les polythéistes, ils prétendent que si tu ne connais pas l'heure de la fin des temps, alors tu n'es pas véridique. Non, cette accusation est totalement fausse. Car personne ne connaît la fin des temps en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, hadha al-jahl dalilun ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yastahiqqu al-ibada. Wa bihadha naruddu ala ghulat as-sufiyya. Par contre, cette ignorance, le fait de ne pas connaître la fin des temps, est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration. Et c'est ainsi que nous allons répliquer aux soufis, à ceux qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ne méritent pas l'adoration sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit tout de suite après la réponse justement à cela. Il dit Qul innama al-ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Dit, certes la science, la connaissance de cela n'est que auprès d'Allah. Innama al-ilmu indallah. Dit, certes la science de cela n'est que auprès d'Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Et certes moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. Je ne suis qu'un avertisseur, je viens vous prévenir, vous avertir d'un châtiment douloureux. Je ne mérite pas l'adoration. Dans un autre verset, Qul innama ana basharum mithlukum. Dit certes, je ne suis qu'un homme comme vous. Et donc, il est important qu'on comprenne cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration. Ensuite, les derniers versets de cette sourate. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Et lorsqu'ils le verront, c'est-à-dire lorsqu'ils verront le châtiment proche d'eux, leurs visages seront assombris et enlaidis. C'est-à-dire le visage des incroyants. Le visage des incroyants sera assombri et enlaidi. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Et il sera dit, voilà ce que vous recherchiez. C'est-à-dire que هَؤُلَا كَانُوا يَطْلُبُونَ تَعْدِيلَ الْعَذَابِ. Ces gens-là, ils demandaient que le châtiment soit avancé. Ils demandaient à être châtiés ici-bas, parce qu'ils ne croyaient pas. Si tu es véridique, alors fais que le châtiment tombe sur nous. Fais que nous soyons châtiés si tu es véridique. Mais lorsqu'ils seront réellement devant ce châtiment, alors, par la peur, l'effroi, leurs visages seront assombris, enlaidis, et il leur sera dit, voilà ce que vous avez recherché. Voilà ce que vous avez recherché. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujiru al-kafirina min 'adhabin alim. Dit, ô Muhammad, voyez-vous si Allah me menait à ma perte. C'est-à-dire que si Allah me faisait mourir, si Allah me faisait mourir, moi, ainsi que ceux qui sont avec moi, vu que vous ne voulez plus des musulmans, hein? Comme on a aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, il y en a plein, ils ne veulent plus des musulmans sur la terre. Dis, si Allah me faisait mourir ainsi que tous ceux qui sont avec moi, ou s'il me faisait miséricorde, qui est celui qui secourra les incroyants et les sauvera d'un châtiment douloureux? Subhanallah. Ici, il y a deux explications dans ce verset. Aw rahimana. Et donc, on a le premier passage. Dit, si Allah me faisait mourir, moi ainsi que tous ceux qui sont avec moi, ou me faisait miséricorde. Donc si Allah me faisait mourir, ou alors me faisait miséricorde, c'est-à-dire si Allah me faisait mourir, ou alors me gardait parmi les vivants et retardait donc mon échéance. Peu importe, ça ne change rien pour vous. Car dans tous les cas, personne ne pourra soutenir les incroyants. Personne ne pourra sauver les incroyants d'un châtiment douloureux. Ça, c'est la première interprétation de Aourahimana. La deuxième interprétation, c'est dit, si Allah me faisait mourir, puis me faisait miséricorde en pardonnant mes péchés. Parce que je suis croyant, moi et tous ceux qui sont avec moi, nous sommes croyants, nous avons la foi. Et donc si Allah nous faisait mourir, et ensuite pardonnait nos péchés en nous faisant miséricorde, qui va vous sauver, vous, d'un châtiment douloureux? Qu'est-ce que ça va changer pour vous, le fait que vous fassiez les musulmans disparaître de la surface de la terre? Ça ne va rien changer pour vous. Vous pouvez vous efforcer pour faire en sorte que les musulmans disparaissent. Oui, vous pouvez vous efforcer pour le faire. Mais ça ne va rien changer pour vous. Ça ne va pas repousser le châtiment. Ça ne va pas repousser le châtiment ou l'éloigner de vous. Vous vous fatiguez pour rien. وَهَذَا فِيهِ تَسْلِيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il y a en cela le fait de rassurer les croyants lorsqu'ils sentent que c'est difficile, qu'il y a une pression lourde venant des incroyants et qui rendent la vie difficile aux musulmans. Alors ne vous inquiétez pas, car ce qu'ils font n'est d'aucune utilité pour eux en réalité. Car ce qu'ils font ne repousse pas le châtiment. Ce qu'ils font ne repousse pas le châtiment. Qul huwa ar-Rahman, dit c'est lui, ar-Rahman, le tout miséricordieux. Amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Mashallah. Allahu Akbar. Les frères, faut méditer sur ça. Amanna bihi, nous croyons en lui. Dit c'est lui, ar-Rahman. Nous croyons en lui, nous avons foi en lui. Wa alayhi tawakkalna, et c'est en lui que nous mettons notre confiance. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Qalatil ulama, al-a'malu min al-iman. Les œuvres, les savants, ils nous disent, les œuvres font partie de la foi. Les œuvres font partie de la foi. Wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Et Allah ne va pas rendre vain votre foi. Dans ce verset, les savants du tafsir, ils nous disent, votre foi, imanakum, ce qui est voulu par là, ce sont vos salats que vous avez fait avant, dans l'autre direction que la direction de la Mecque. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas rendre vaines vos prières. Et il a appelé les prières el-iman. Parce que les œuvres que nous accomplissons font partie de la foi. Et ici Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité donc cette parole, qul huwa ar-rahman amanna bihi wa alayhi tawakkalna, dit il est le tout miséricordieux, nous croyons en lui et c'est en lui que nous mettons, c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Les œuvres font partie de la foi. Et ici Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité de façon spécifique et tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi il cite et tawakkul? Les savants, ils nous disent al a'malu min al iman walakin Allah tabaraka wa ta'ala khassa dhikra at tawakkul لأن الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل. الله أكبر. Quelle belle parole. Sa'di rahimahullah, il nous dit, les œuvres font partie de la foi. Cependant, ici, Allah tabaraka wa ta'ala a cité de façon spécifique et tawakkul, le fait de placer notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Car la présence des œuvres, ainsi que l'aspect complet des œuvres, dépend du tawakkul. Lorsque tu fais ta prière, que tu délaisses ton confort que tu as chez toi pour venir à la mosquée, hein, que tu fais en sorte que tu aies des heures où tu ne travailles pas pour venir à la mosquée pour faire ta prière. Cela est lié au tawakkul. Que tu mettes ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu vas t'acquitter de la zakat, que tu vas prendre de ton argent pour le donner aux pauvres, cela est lié au tawakkul. Tu places ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala en donnant cet argent aux pauvres. Et tu sais que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui t'accorde ta subsistance et qu'il va te multiplier ce que tu viens de faire. Lorsque tu fais la hijra, cet acte d'adoration que tu fais, c'est que tu mets ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu sais très bien qu'il va t'aider, te secourir dans le pays dans lequel tu vas aller. Et donc, les actes d'adoration sont liés au tawakkul. Les actes d'adoration sont liés au tawakkul. C'est pour ça qu'ici, Allah, il a cité, il a dit à son prophète, « Kul huwa ar-Rahman » dit, c'est lui, ar-Rahman, le tout miséricordieux. « Amanna bihi » Nous avons foi en lui. « Wa alayhi tawakkalna » Et c'est en lui que nous mettons notre confiance. Nous plaçons notre confiance. Et ensuite, il continue, tabaraka wa ta'ala, et il dit, « Fasita'alamuna man huwa fi dhalali mubin » Et vous saurez, qui est dans un égarement évident. Subhanallah. Vous saurez qui est dans un égarement évident. Les savants du tafsir, et parmi eux Ibn Sa'di, ils disent ici, « Fa'ulima min hadhihi al-aya. Fa'ulima min hadhihi al-aya. Anna ad-dullal hum man la imana lahum wa la tawakkul. » Subhanallah. Ils disent, et on comprend de ce verset, que les égarés, ce sont ceux qui n'ont pas de foi et qui n'ont pas de tawakkul. Ils n'ont pas de foi et ils n'ont pas de tawakkul. Les incroyants n'ont pas la foi en Allah. Ils ne placent pas leur confiance en Allah. Le croyant ne doit pas être comme tel. Le croyant, il doit placer sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et plus ta foi elle est élevée, plus tu vas placer ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il nous dit Allah azza wa jal, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Dit, voyez-vous si votre eau était donc enfouie au plus profond de la terre. Si votre eau se retrouvait au plus profond de la terre, qui viendra? Alors, qui viendra à vous avec une eau circulante, avec une eau comme une eau de source, une eau qui n'est pas stagnante? Qui viendra à vous avec une autre eau afin que vous puissiez boire? Qui, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Personne. Personne. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, encore une fois, il nous montre sa puissance. Il nous montre qu'il fait ce qu'il veut, que c'est lui qui nous accorde notre subsistance et que nous devons faire attention à lui obéir, tabaraka wa ta'ala, et nous devons placer en lui notre confiance. Ne place pas ta confiance en une créature qui ne peut pas contrôler l'eau qu'il y a sur la terre. Les créatures ne peuvent pas contrôler l'eau qu'il y a sur la terre. L'eau qu'il y a dans le ciel et qui doit venir sur la terre. Les créatures ne peuvent pas contrôler cela. Les créatures ne peuvent pas contrôler le fait que l'eau reste au-dessus de la terre et ne s'enfonce pas dans la terre. Et donc, n'adore pas une créature. Et ne place pas ta confiance en une créature. Place ta confiance en Allah. Ne place pas ta confiance au patron d'entreprise qui te pousse à délaisser tes vendredis à la mosquée. Mais place ta confiance en Allah. Seul, celui qui gère tout. Tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'on va arrêter pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, on reprend avec l'exégèse de Surat Al-Qalam, bi'idnillahi ta'ala.